Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. En entrevue hier sur les ondes de danazosport.com, le président du club de golf de Saint-Pierre, qui est le nouveau président Yannick Baillargeon, qui est également maire de la Dorée, a mentionné que l'avenir du club de golf de Saint-Prime est très rose. On va l'écouter là-dessus. Moi, j'ai toujours eu l'intérêt pour le club de golf étant un passionné à la base. Là. Ouais. Depuis 7-8 ans, là, je suis vraiment imprégné du golf dans ma nature. J'en joue l'hiver, j'en joue l'été, puis j'aime vraiment ça, puis j'ai à cœur mon club. Là. Moi, je pense que dans le courant de la prochaine année, là, on a des belles opportunités qui s'offrent à nous autres, parce que avec le projet immobilier qui est pas mal terminé au niveau du club de golf de Saint-Prime, là, on a radié toutes les dettes. Fait que, tu sais, on a un bel avenir en avant de nous autres, puis il faut s'en occuper de notre avenir. On veut aller chercher des nouveaux membres, on veut promouvoir le golf. Je pense que là, Yannick Baillargeon veut faire en sorte également que le club de golf de Saint-Prime rentre dans les programmes touristiques de la MRC, puisqu'il siège sur un comité touristique. Il y a un nouveau chantier touriste qui est décollé avec les acteurs majeurs du secteur, dont le Zoo, Val-Jalbert. Puis moi, tout ce que je veux, là, c'est d'incorporer le club de golf dans le chantier touriste. Parce que, oui, le touriste va voir les infrastructures touristiques, mais aussi le touriste d'affaires. Le touriste d'affaires, là, on les attire avec un club de golf. Avec un club de golf comme le nôtre, là, sur le long du lac Saint-Jean, là, je pense que c'est une pièce majeure là-dedans. C'est quoi? Je cherche un directeur général au club de golf de Saint-Prime et Yannick Baillargeon a donné un peu le profil de ce qu'il recherche comme candidat. Ouais. Premièrement, pour qu'il ait à cœur vraiment le terrain et l'administration de celui-ci. Ça prend quelqu'un qui a du temps, ça prend quelqu'un qui a de l'endrogent, ça prend quelqu'un qui a une bonne tête au niveau des chiffres d'administration, parce que c'est un gros défi, là. On se le cachera pas, c'est un gros défi, là. Oui, c'est un 8 mois, là, assez plein. Mais c'est ça, faut que la personne soit ouverte aussi. Là. Ça prend une personne ouverte parce qu'on a différentes propositions qui s'en viennent. Puis, tu sais, le directeur va aller selon la ligne que le CA lui donne, tu sais, dans le fond. Là. Puis c'est pour ça que ça prend une ouverture. Maintenant, on va parler du classement POC selon le site internet classementpoc.com qui s'est déterminé les équipes au classement général. On retrouve les Rapides de Beaumont-Sessigny au 16e rang, les Ambassadeurs de Chibougamau au 63e rang. Niveau midget, les Castors de Debo occupent le 14e rang. Les Ambassadeurs de Chibougamau, le 48e rang, et le Marcos Pop de Saint-Félicien, le 63e rang. Et demain, il y aura une rencontre au gymnase du complexe sportif du secteur de Delbeau. C'est que la ville de Delbeau, en partenariat avec le club de natation Aquado, désire mettre en place un club d'entraînement de triathlon. C'est dans le but, évidemment, d'assurer un bon démarrage. On aimerait avoir les idées de chacun. Donc, la rencontre d'information aura lieu le jeudi 24 janvier, soit demain, au gymnase du complexe sportif du secteur de Delbeau. Et pour information et inscription, vous appelez Paul Morel au 276-0160, le 276-0160, le poste 2451. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs intervenants du monde du sport. Je me suis entretenu, entre autres, avec Yannick Baillargeon. Également, vous pouvez écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Pierre Gay. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.